écrit au clair de lune. Quand celle-ci éclaire mon cahier, bouquine l'art de la guerre et sirote dans les cahiers. Le crissement des pneus derrière la fenêtre me rappelle bizarrement les hurlements de nos ancêtres. Depuis les pieds nus en marchant dans la jungle, et la violence est physique quand l'autorité nous épingle. Inutile de méditer nos décisions, bien que Mohamed Ali refuse l'incorporation. Moi je suis inscrit sur les listes électorales, mais privé de droits civiques sont mes chéchias et mes voiles. Mes croissants et mes étoiles sont dans la lune. L'éducation nationale a jugé bon qu'on nous annule. Alors j'écris et revisite l'encyclopédie. Lyrics explicites, un cours d'histoire, petit expédit. Maîtrise mon sujet des poussières, des enceintes. Polis le miroir de nos cœurs de la poussière de guerre sainte. La double culture devient la double peine. Enfermée à double tour, on fabrique une double haine. Un triple mensonge est gravé sur les pièces. L'intégration des indigènes est un mensonge de toutes pièces. Comprends le contexte à travers les colonies. Abdel Kader et Ben Bella, les combattants l'avaient compris. Depuis le Maghreb jusqu'à Port-Elisabeth, comprends au pied de la lettre, population analphabète. Syndrome du collégien ou amnésie de l'Algérien, qui oublie l'occupation, le calendrier égérien. Écriture de lauréat, documentaliste en studio. Nos textes en masque à gaz pour le métro de Tokyo. Partie de nous ici, l'autre au bout du monde. Les pluies de missiles, où tu t'enfonces, où tu montes. Poussière de guerre, poussière de passé révolu. Mais qu'on a mordu la poussière, des problèmes irrésolus. Inscris l'histoire sur un CDRW. Ma liberté elle marche à pied, va en BMW. On vient lever, de foules en brevet, nos poèmes chauds. Depuis la chute du faucon noir, écrit en tenue dans la soupe. Des traces de griffes sur le cou, scrape la guerre sur les ondes et le cadavre. De la paix à des lambeaux de chair sous les ongles. Beaucoup de crises et je frappe sans raison. L'histoire m'en trouvera une à coups de cri. La vie m'enseigne et je fais du rap avec mes lésions saignes. À l'amour Michael immortalise les drames. Quand mon cœur m'en dit de l'amour, mec, ma main réclame une arme. J'suis qu'une prière parmi des millions d'âmes fières. Cherche le bon filon, allume la mèche, par la flamme sous la cuillère. Quand j'pèse, la vie me cogne, m'envoie les crocs et les diables. Dieu sera juge à mon procès, j'ai le même avocat que le diable. Faussé entre leurs lois et nos rêves, remplis nos casiers. Et quand la chance est dure d'oreille, j'm'éclaire à la lumière des brasiers. Pas à ma plage, dans l'hexagone écrasé coupable. Sur ma face porte mon étoile jaune. Je l'ai mis à poil la vérité, chez nous la justice est trop lente. Et comme beaucoup de nos leaders, elle connaîtra une mort violente. Poussière de guerre, parce qu'on est soldats depuis couvain. Tous frères, déchets nos colonies. Comme coup de flingue, j'rappe pour mes homonymes. Jeune vieux de la vieille, allume la flamme en soufflant sur les cendres du feu de la veille. Une partie de nous ici, l'autre au bout du monde. Sous les pluies de missiles, où tu t'enfonces ou tu montes. Poussière de guerre, poussière de passé révolu. Mais qu'on a mordu la poussière, des problèmes irrésolus. Inscris l'histoire sur un CDRW. Ma liberté elle marche à pied, va en BMW. On vient lever, des foules en brevet, nos poèmes chauds. Depuis la chute du faucon noir, écrit en tenue dans la soute. Une partie de nous ici, l'autre au bout du monde. Sous les pluies de missiles, où tu t'enfonces ou tu montes. Poussière de guerre, poussière de passé révolu. Mais qu'on a mordu la poussière, des problèmes irrésolus. Inscris l'histoire sur un CDRW. Ma liberté elle marche à pied, va en BMW. On vient lever, des foules en brevet, nos poèmes chauds. Depuis la chute du faucon noir, écrit torse nu dans la soute. Ghetto superstar, Dean record, alien au Médine, on donne un sens au mot hardcore. Marquez l'époque au stylo marteau piqueur. Écoute nos voix rocailleuses raccordées à nos cœurs.